Wesh Marcel, bien quoi? Wesh Moubaraka, ça va la famille? Ah, on est là, 9-4 imposé, hein, tranquillement, tranquillement. Ah, et alors, ça dit quoi là? Ouais, t'as vu le rap, tout ça, ça t'écoute un peu ce milieu. Mais non, t'inquiète mon frère, viens avec moi, on va tout niquer, tu vas voir. Fais-moi confiance, on va tout baiser, nique sa race tout le monde. Ok, poto, vas-y, vas-y, on y va, on nique tout. On nique j'arrive tout. En gros arrière, dans le rap, trop vénère. Tu bloques la porte, donc on passe par derrière. C'est du bon pas. C'est que c'est le son des gilets barbales qui fait flipper les flics. Le rap foncé, on vient de brûler sa bac. C'est mort, c'est un royal accompagné de Moubac. Faut que les rages et les haineux, on les braque. Pendant que certains faux MC se cachent bien de leur drap. Nique sa mère, nous on roule en sens inverse. C'est la merde, mon baraka, mes cars, on n'a plus rien à perdre. Sors le T-Max pendant que les keufs te démarrent. Termine à ton visage, on voit bien comment t'es mal. Nous, on vient vous dégager du trône. On prend ta couronne, la rue comme fusil d'épaule. On est content quand un keuf se fait foncer. C'est mon baraka, 94, nous on passe par ta fenêtre. Si tu bloques ta j'arrive porte, j'arrive en gros arrière, dans le rap, trop vénère. Tu bloques la porte, donc on passe par derrière. Si tu mon baraka, trop dans la galère. C'est le son du terre-terre. J'arrive en gros arrière, dans le rap, trop vénère. Tu bloques la porte, donc on passe par derrière. Si tu mon baraka, t'inquiète, on nique la hella. J'm'en bats les couilles, j'aime pas les keufs et ça changera pas. Ils mettent des amendes à des amis à moi. Donc nique ta mère, tu te reconnaîtras. Eh, hey, chut, écoute celle-là. Tous les îlotiers vont flipper. Moi, c'est RF Moubaraka, on va tous les niquer. T'inquiète, on est vraiment déterminés. Nique les putes, les keufs et les condés. En bécane de cross, tu pourras pas nous arrêter. Nique sa mère, tous les meufs et les mecs qui tapent dans la CC. J'arrive déterminé, Moubarak, amour, ça c'est la hala. Les rappeurs pleurent quand ils écoutent ce morceau-là. Nique sa mère, tous les six rats. J'arrive déterminé, Moubarak, amour, ça c'est la hala. Les rappeurs pleurent quand ils écoutent ce morceau-là. Nique sa mère, tous les six rats. J'arrive en gros arrière, dans le rap, trop vénère. Tu bloques la porte, donc on passe par derrière. C'est du Moubarak. C'est que nos darons nous ont donné le baraka. C'est le dawa, hela hela hela dawa. Sur les terrasses, je me la fais péper. Pas d'alcool, serre-moi un kawa. C'est pour mes ro-ro-rouya. Quand y'a embrouille, mets des grosses bougnas. Qui sortent le drap quand y'a heja. On bibi grave dans nos halls. De la bonne gancha. Moi j'suis un bonhomme, pas un gangsta. J'prends des sous-sous. Pendant que ta meuf sur mon crew fait de la césure.